Elle pleure son homme debout dans la foule. Ses larmes qui coulent, son corps qui frissonne. Elle pleure son homme, elle lui parle encore. Mais celui qui dort n'entend plus personne. Elle pleure un homme, les autres elle s'en fout. Elle pleure son amour jusqu'au bout. Il parle de lui, tous ses copains, tous ses amis. Elle les reconnaîtra demain. Elle pleure son homme, c'est lui qui s'en va. Lui qui n'aimait pas les fleurs, les couronnes. Elle pleure son homme avant que la terre ne le rende à la terre. Au ciel, y a personne. Go.